1, 2, test, ok. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un grand pilote de NASCAR va tirer sa révérence en fin de semaine. C'est une génération de pilotes de NASCAR qui va se retirer en fin de semaine, puisque avec le retrait de Dale Earnhardt Jr., dernière course en fin de semaine à Miami, on en parle avec notre collaborateur de course automobile, Patrick Carpentier. Salut, Pat! Hey, salut, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Pat, l'héritage, quel héritage va laisser la famille Earnhardt? Parce que évidemment, il y a Dale Earnhardt Jr., il y a Dale Earnhardt qui était déjà un grand pilote et qui est rentré dans la légende avec son incident ou son accident mortel à Daytona. Mais dans la carrière de Dale Earnhardt, quel sera l'héritage de Dale Earnhardt Jr.? Ben écoute, l'héritage, je te dirais que Dale Earnhardt Jr., c'est vraiment sa renommée, c'est sa personnalité. Je te dirais que son père, ça a été au niveau des performances fracassantes. Okay. De sa comment il était intimidateur. On l'appelait justement l'intimidateur. Puis Dale Jr., lui, c'est le nice guy. C'est le gars qui est gentil. Puis c'est drôle, parce que j'écoutais quelque chose tout à l'heure, puis il disait. Malheureusement, on ne parlera pas beaucoup des performances de Dale Jr. parce que c'est le fils de Dale Earnhardt. Ouais. Et qui ça n'avait pas été le fils de Dale Earnhardt, il y a 26 victoires en Monster Energy Cup, il y a 24 victoires en Xfinity avec des championnats. Fait que, tu sais, 99% des pilotes auraient été un pilote exceptionnel si ça n'avait pas été le fils de. Fait que, moi, je le considère comme un excellent pilote, parce que d'aller chez une victoire en Monster Cup, c'est déjà très, très, très difficile. Fait que pour moi, c'est vraiment une légende. Puis d'autant plus que je pense qu'il a montré à bien des gens que tu peux rester humble puis hyper sympathique à travers ta carrière. Si on le compare à son père, c'est lequel le meilleur? Bien évidemment, au niveau des performances, on va te le dire, c'est son père. Ok. C'est clair, même Dale Jr., il le sait, puis il dit, tu sais, 7 championnats en Monster Cup, surtout dans l'ère à laquelle son père a couru contre les meilleurs, aussi les Gordon, puis toute la gang, le meilleur de l'ère. Donc, définitivement, au niveau performance, son père était le king, mais au niveau de la personnalité, puis de ce qui a amené au sport, je te dirais que Dale Jr. OK. Par contre, Dale Earnhardt père, s'il décède pas, parce que tu sais quand tu es un pilote automobile, Patrick, quand tu décèdes d'un accident d'automobile en course, tu rentres automatiquement dans une légende, à moins que. Ben oui. S'il décède pas, est-ce qu'on en parle autant de Dale Earnhardt père? Non. Non. Il est tombé. Oui, on en parlait parce que c'est un Jimmy Johnson, c'est un Richard Petty, c'est les trois plus grands du sport, si tu veux, au niveau des victoires des championnats et tout, tu sais. Fait que c'est des grands, grands pilotes. Fait qu'on en parlerait de ce côté-là, mais pas de la même façon, parce que je sais pas si tu te rappelles, Dale Earnhardt Sr., quand il était de son vivant, était pas aimé, tu sais. C'était l'intimidateur, puis le monde le jouait quand il sortait des pilotes. Beaucoup de pilotes, Darrell Waltrip, il s'est chicané avec à peu près tout le monde, fait qu'il était pas très populaire. Puis je me rappelle, j'avais demandé ça à la madame, une qui est dans la Friends Family, la famille qui a NASCAR, j'étais à Daytona dans son bureau, puis c'est elle-même qui m'avait dit ça, tu sais, c'est une vieille madame qui a vu toute l'histoire du sport à peu près, puis elle avait dit... il était pas populaire quand il était de son vivant, c'est après, tu sais, fait que moi, ce que je veux dire, que Dale Jr. a apporté beaucoup plus, c'est de son vivant. OK, ben c'est clair. Tu me connais là, je me trompe, Patrick, il n'y en a pas un autre, un fils ou un oncle de la famille Earnhardt? Ben ça, j'ai-tu rêvé en voyant ça, qui est pas nécessairement, qui est pas un Monster Energy, mais qui est dans la famille NASCAR ou qui est dans l'antichambre? Parce que c'est un rêve que j'ai eu, mais il me semble qu'il n'y en a pas un qui est pas loin, qui pousse. Ouais, mais il y a Jeffrey qui est là en ce moment. Ouais, OK, ouais. Il n'est pas tellement fort. Puis il y en a un autre kid qui s'en vient, là, qui monte. Je peux pas te dire. Je pense qu'il est en ARCA ou quelque chose comme ça, là, que c'est un Earnhardt. Okay. Il a couru à Xfinity. Il a fait deux ou trois courses cette année, mais sans fracasser de record. Là. Je te dirais que ça ressemble plus à Jeffrey Cadell. Hey, Patrick, avant de parler de la dernière course, nouvelle qui est tombée aujourd'hui, Danica Patrick qui va mettre un terme à son programme à temps plein. Danica, est-ce qu'elle a fait lorsqu'elle est partie dans IndyCar, c'était une pilote vraiment qui était extraordinaire, qui avait contribué à remettre la Formule Indy vraiment, je ne dis pas en santé, mais t'sais, qui avait quand même popularisé la Formule Indy. S'en va à NASCAR, ça a été très, très moyen comme résultat. Est-ce qu'elle a, parce que courir en monoplace, courir en NASCAR, c'est pas du tout. Le calendrier de NASCAR est très exigeant. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que Danica a eu de la misère à peut-être s'acclimater au NASCAR ou c'est autre chose? Écoute, c'est drôle que tu mentionnes ça parce que c'est toujours un peu à savoir quel pilote qui est meilleur dans quelle série. C'est pas les fans qui sont meilleurs que les pilotes de NASCAR, les pilotes de rallye. Moi, j'ai énormément de respect pour les pilotes de rallye. D'après moi, les pilotes de rallye, c'est les plus grands pilotes de la planète. Parce que tu sais jamais ce qui s'en vient. T'es dans le bois, t'as des arbres, c'est complètement fou. Fait que pour moi, eux autres sont vraiment haut placés. Le deuxième en bas de ça, tu vas trouver ça d'autre, mais je trouve que c'est NASCAR. Parce que les pilotes NASCAR, souvent, ont été à Indy. Puis à partir de la première course, ils roulent dans le top 5. Souvent, tu sais, t'as vu ça au Indy 500, des choses comme ça. Ben, sauf que des pilotes d'open wheel, que ce soit des Juan Pablo Montoya, que ce soit Danica Patrick, moi, Dario Franchitti, n'importe qui a passé là, à part quelques exceptions à la Tony Stewart et puis d'autres pilotes, ils n'ont jamais réussi en NASCAR. NASCAR, là, c'est très, très, très difficile parce que l'auto bouge tellement, que c'est vraiment difficile à savoir quoi faire dessus, à savoir comment est-ce qu'on part, qu'est-ce que tu as besoin sans voiture. Fait que, tu sais, c'est des choses. Fait Danica Patrick, ce qu'elle a fait en NASCAR, non, elle a pas gagné. Ben, pour moi, écoute, je l'ai vu à Montréal, j'étais dans son bumper pendant quelques tours, après que je m'étais fait sortir. Puis je l'avais vraiment trouvé exceptionnel. Je trouvais qu'elle avait un maudit bon coup de volant. Puis tu vois, elle a annoncé que l'an prochain, elle va faire le détourneur 500, puis elle va retourner faire le Indy 500. Ouais. Ben, je te le dis, d'après moi, avec tout ce qu'elle a appris pendant ces années-là, si elle a une bonne machine, elle va marcher pas à peu près au Indy. Mais Patrick, c'est le programme aussi. C'est quoi? C'est 32 courses de NASCAR? Comparativement à... C'est complètement fou. Ouais, comparativement à 16. Ouais. 12. Ah oui, c'est ça. C'est pas la même chose. Ouais. Je dis pas que les pilotes, la plupart font la moitié de la saison aux dizaines de courses en Xfinity puis une dizaine de courses en camion. Ouais. Fait que, les gars font 50 courses par année à part de ce qu'ils font le vendredi soir en sprint car comme Larson puis tout ça, tu sais. Fait que t'as des pilotes dans le temps, puis là, juste 2, 3, 4 ans, qui faisaient facilement au-dessus de 100 courses par année. Fait que, veux pas, il y a rien qui peut remplacer le temps d'une voiture de course. Tu sais, quand tu parles d'une série F1 ou IndyCar qui a une vingtaine de courses, quinzaine de courses par année, tu passes jamais autant de temps en voiture qu'en NASCAR. Fait que ça, c'est un plus pour elle aussi, mais tu sais... Écoute, tu parlais tout à l'heure des pilotes qui changent. Moi, je pense qu'il y a un gros, gros changement de garde en NASCAR, comme on n'a pas vu depuis longtemps, longtemps. Écoute, depuis 2-3 ans, là, t'as Jeff Gordon qui est parti, t'as Tony Stewart qui est parti, t'as Carl Edwards qui est parti, Ken Zett s'en va cette année, Danica Patrick s'en va cette année, Dale Jr. s'en va cette année. Ouais. Écoute, il y a Miss Greg Biffle l'an passé. C'est assez impressionnant. Mais puis ça, c'est sans compter les essais aussi. Tu dois avoir des essais aussi, j'imagine. Ah, écoute. Ouais. Ben oui, ça, j'ai oublié de dire. Écoute, quand j'ai fait la NASCAR, moi, j'ai juste fait 8 courses en Xfinity. Puis écoute, j'ai été parti de chez moi 42 semaines sur 52. Hey. 42 semaines dans l'autobus dans le milieu de la track sur 52, là. C'est quelque chose. Ouais. Je vais te le dire. Parce que, m'a expliqué l'horaire. T'arrives le jeudi soir. Ouais. Okay. Fait que t'as vendredi, t'es sur la track, samedi et dimanche. Lundi, tu vas à la shop parce que t'as un meeting avec la shop. Souvent, le mercredi, tu vas tester. Ou le mardi, tu vas faire des affaires pour les commandites. Le jeudi, tu retournes à l'autre track. Fait que c'est non-stop comme ça toute l'année. Moi, j'avais trouvé ça très, très difficile. C'est effectivement, c'est très très difficile. Bon, en fin de semaine, Patrick, on va se terminer là-dessus. C'est la dernière course, ça a lieu à Miami. Et je regarde le classement. Pour la dernière course, on a chaque gars à 5000 points. Harvick, Busch, Truex et Brad Keselowski. Et ça, c'est le gagnant, j'imagine, qui donc on va se battre pour la course au championnat, c'est dimanche. Oui, exactement. Puis écoute, si on sait ce qu'on a vu aujourd'hui au niveau des pratiques, Brad Keselowski n'est pas là du tout. Okay. Il était même pas dans le top 20 à la fin des pratiques. Donc pour Keselowski, je pense que ça va être assez difficile. Ceux qui ont fini 1, 2, 3 dans les pratiques, évidemment, Kyle Busch, qui a fini premier. Deuxième, ça a été Martin Truex. Et troisième, ça a été Kevin Harvick. Fait que là, ils sont après qualifiés. Au moment où on se parle, on est en qualification. Okay. Les trois ont avancé dans le top 24. La pole va être entre Truex et Kyle Busch, selon moi. Harvick, il travaille fort, mais je pense qu'il en manque une petite affaire au Ford comparativement au Toyota. Okay. Ça va être intéressant. D'après moi, ça va être entre Kyle Busch et Martin Truex. Puis d'après moi, c'est Truex qui va aller chercher. Patrick, on s'en reparle durant le temps des fêtes pour la rétrospective de l'année dans le monde de la course automobile. Hey, parfait. Merci beaucoup. Donc, Patrick Carpentier qui nous parlait de la dernière course en carrière de Dale Earnhardt en fin de semaine en Floride.